Exercice 5, page 100. A. Je l'ai vu dans un magasin. B. Je t'attends dans un jardin. C. Je le laisse dans un coin. D. Je travaille dans un restaurant. E. Je l'appelle dans un instant. F. J'y retourne dans un an.